Chapitre 20. Un jour, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi survinrent avec les anciens et lui demandèrent : Dis-nous de quel droit tu fais ces choses ? Qui t'a donné le droit de les faire ? Je vais vous poser une question, moi aussi, leur répondit Jésus. Dites-moi, qui a envoyé Jean baptisé ? Dieu ou les hommes ? Mais ils se mirent à discuter entre eux et se dirent : Si nous répondons c'est Dieu qui l'a envoyé, il nous demandera : Pourquoi n'avez-vous pas cru Jean ? Mais si nous disons ce sont les hommes qui l'ont envoyé, le peuple tout entier nous jettera des pierres pour nous tuer, car il est persuadé que Jean a été un prophète. Ils répondirent alors : Nous ne savons pas qui l'a envoyé baptiser. Et Jésus leur dit : Eh bien, moi non plus, je ne vous dirai pas de quel droit je fais ces choses. Ensuite, Jésus se mit à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la loua à des ouvriers vignerons, et partit en voyage pour longtemps. Quand vint le moment de la récolte du raisin, il envoya un serviteur vers les ouvriers vignerons pour recevoir d'eux sa part de la récolte. Mais les vignerons battirent le serviteur et le renvoyèrent sans rien lui donner. Le propriétaire envoya encore un autre serviteur, mais les vignerons le battirent aussi, l'insultèrent et le renvoyèrent sans rien lui donner. Il envoya encore un troisième serviteur. Celui-là, ils le blessèrent aussi et le jetèrent dehors. Le propriétaire de la vigne dit alors : Que faire ? Je vais envoyer mon fils bien-aimé. Ils auront probablement du respect pour lui. Mais quand les vignerons le virent, ils se dirent les uns aux autres : Voilà celui qui deviendra propriétaire plus tard. Tuons-le, pour que la vigne soit à nous. Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Que leur fera donc le propriétaire de la vigne ? Demanda Jésus. Il viendra, il tuera ses vignerons et remettra la vigne à d'autres hommes. Quand les gens entendirent ces mots, ils dirent : Cela n'arrivera certainement pas. Mais Jésus les regarda et demanda : Que signifie cette parole de l'Écriture ? C'est la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée qui est devenue la pierre principale. Et il ajouta : Tout homme qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et si la pierre tombe sur quelqu'un, elle le réduira en poussière. Les maîtres de la loi et les chefs des prêtres essayèrent d'arrêter Jésus à ce moment même, car ils savaient qu'il avait dit cette parabole contre eux. Mais ils eurent peur du peuple. Ils se mirent alors à surveiller Jésus et lui envoyèrent des espions. Ceux-ci faisaient semblant d'être des hommes honorables pour prendre Jésus au piège par une question. Ils voulaient fournir ainsi une occasion de le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Ils lui posèrent cette question : Maître, nous savons que ce que tu dis et enseignes est juste. Tu ne fais pas attention à l'importance que semble avoir un homme, mais tu enseignes la vérité sur la manière de vivre que Dieu demande. Dis-nous donc, notre loi permet-elle ou non de payer des impôts à l'empereur romain ? Mais Jésus se rendit compte de leur ruse et leur dit : Montrez-moi une pièce d'argent. À qui appartiennent le visage et le nom gravés sur cette pièce ? À l'empereur, répondirent-ils. Alors Jésus leur dit : Eh bien, payez à l'empereur ce qui lui appartient, et payez à Dieu ce qui lui appartient. Ils ne purent le prendre en faute pour ce qu'il disait devant le peuple. Au contraire, sa réponse les remplit d'étonnement, et ils gardèrent le silence. Quelques sadducéens vinrent auprès de Jésus. Ce sont eux qui affirment que les morts ne ressusciteront pas. Ils l'interrogèrent de la façon suivante : Maître, Moïse nous a donné ce commandement écrit : Si un homme qui a un frère meurt et laisse une femme sans enfant, il faut que son frère épouse la veuve et qu'il ait des enfants avec elle pour son frère mort. Or, il y avait une fois sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser d'enfant. Le deuxième épousa la veuve, puis le troisième. Il en fut de même pour tous les sept, qui moururent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme mourut aussi. Au jour où les morts ressusciteront, de qui sera-t-elle donc la femme, car tous les sept l'ont eue comme épouse ? Jésus leur répondit : Les hommes et les femmes de ce monde se marient, mais les hommes et les femmes qui sont jugés dignes de ressusciter d'entre les morts et de vivre dans le monde à venir ne se marient pas. Ils ne peuvent plus mourir, ils sont pareils aux anges. Ils sont fils de Dieu, car ils sont ressuscités. Moïse indique clairement que les morts ressusciteront, Dans le passage qui parle du buisson d'épines, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu est le Dieu d'hommes vivants et non de morts, car tous sont vivants pour lui. Quelques maîtres de la loi prirent alors la parole. « Tu as bien parlé, maître, » dirent-ils, car ils n'osaient plus lui poser d'autres questions. Jésus leur dit, « Comment peut-on affirmer que le Messie est descendant de David ? Car David déclare lui-même dans le livre des Psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. » David l'appelle donc Seigneur. Comment le Messie peut-il être aussi le descendant de David ? Comme toute la foule l'écoutait, Jésus dit à ses disciples, « Gardez-vous des maîtres de la loi qui se plaisent à se promener en longue robe et qui aiment à recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques. Ils choisissent les sièges les plus en vue dans les synagogues et les meilleures places dans les grands repas. Ils prennent aux veuves tout ce qu'elles possèdent et en même temps font de longues prières pour paraître bons. Ils recevront une punition d'autant plus grande. »